Peux-tu nous en dire plus sur le titre « La nature reprend le dessus » ? Oui, tout à fait. Le message, c'est que la nature, sans la main de l'homme, elle reprendrait le dessus, dans n'importe quelle circonstance. Voilà. Parle-nous de ta timidité. Alors, la timidité, j'ai réussi à la vaincre, cette timidité, pendant longtemps. J'étais réservé. J'ai cassé les codes de ma timidité. Maintenant, je gère. Voilà. C'est trop cool. C'est trop cool. Pourquoi la poule est-elle française ? Pourquoi la poule est-elle française ? En fait, c'est un délire. Vu que nous, on a le coq qui représente la France, je me suis demandé, est-ce que l'animal, la poule, est-elle française ? À la base, d'origine française. Est-ce qu'ils avaient des nationalités ou quoi ? Voilà, le délire. La question que tu te poses, la pratique est-elle plus difficile ou facile que la théorie ? Ah, telle est la question. Eh ben, y en a qui vont trouver que la pratique est plus facile que la théorie et vice-versa. C'est chacun à son caractère. Peux-tu nous dire pourquoi as-tu choisi de parler de la PMI ? Parce qu'ils te prennent comme des imbéciles. Et tous les ados qui vont à cette PMI, c'est pire qu'assistante sociale. Faut le dire, ils servent strictement à rien. Ils sont là pour écouter, c'est tout. Voilà, la PMI, en plus, moi j'ai eu une mauvaise expérience, c'est des enfants. C'est tout, ils servent à rien. Cela a l'air douloureux comme situation. Oui, tout à fait. De toute manière, j'ai eu un problème avec eux que l'administrateur réseau du Land m'avait hacké, quoi, m'avait piraté, tout ce que tu veux. Et du coup, ça m'a procuré une grosse incompréhension envers le Land et la PMI qui m'a envoyé là-bas. Et je faisais rien de mal, j'utilisais l'ordinateur, un ordinateur banal. Et voilà, j'étais. Voilà. On me montre l'exemple qu'il ne faut pas faire et c'est comme ça, c'est dur. As-tu déjà été piégé dans d'autres postes de travail ? Oui, tout à fait. Une autre fois, j'ai créé un menu pour un restaurant chez Ulysse. Voilà, c'était un centre d'apprentissage et de service à la Malou. Et il y avait ma copine Estelle qui était dedans. Et j'ai fait un stage du coup dans cette enceinte-là. Et voilà, j'ai proposé. Estelle m'a dit, est-ce que tu veux faire le menu pour ce restaurant ? J'ai dit, allez, pourquoi pas ? Vas-y, envoie, je te fais le menu. Tac, tac, tac. Vas-y, publie cher. Tac, tac, tac. Je prends le menu. Elle l'amène au boss. Et il dit. Et on m'a pas cru que c'est moi qui l'avais fait. Impossible de le convaincre. Voilà. Du coup, j'aurais peut-être eu ma place. J'en sais rien. On dirait que les gens ont du mal à te croire. Ben oui, c'est souvent comme ça. Les gens, ils ont du mal à me croire. Un autre exemple encore, je faisais cours de dessin un peu tranquille avec un prof et je dessinais sur une feuille A4 ma main droite notamment, et je suis droitier. Et du coup, quand il a vu mon travail, il m'a dit c'est pas possible que tu aies réalisé ça, c'est trop dur. Et je dis, j'y suis arrivé, c'est peut-être la chance du débutant ou quoi. Et il m'a dit, c'est pas toi qui l'as fait, t'as décalqué ou quoi. Voilà. Tu en as sous la patate. Allez, remettons-nous en piste et envoyons les deux chansons suivantes qui se complètent avec PMI, ce n'est pas permis.